On va parler de la Ligue Midget Régionale et la Ligue Junior Régionale. On est en plein dans les demi-finales. On parle avec notre ami Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, on va commencer d'abord avec le Midget Régionale. La série, on est dans les demi-finales. La série entre les Castors et les Aiglons d'Alma, c'est 1-1. Les Castors avaient gagné contre les Ambassadeurs la semaine passée. Oui, c'est ça. Puis on a vraiment un bon duel parce que lors de la première rencontre à Alma, ça s'est terminé en prolongation en avant. Pour les Aiglons. Et dimanche, suite après dimanche, ben, les Castors ont vaincu les Aiglons. 5 à 3, je pense, ou 5 à 4, pour égaliser la série. Donc, c'est une série qui peut peut-être être longue. OK. Ben, c'est ça que Robin Bouliane m'a mentionné. L'instructeur des Castors, ça peut même se rendre à la limite. Hein? Je ne serais pas surpris de ça. Là. Et dans l'autre série, ben, le Marcos Pop de Saint-Félicien qui avait causé une première surprise en première ronde en défaisant les Marquis. Eux en mangent pas les Marquis, mais les Saguenay-Chicoutimi, oui, en mangent toute une contre les Marquis. C'est 2-0 dans la série pour les Marquis. Oui, lors de la première match, on a eu un match assez mouvementé, alors que deux fois durant la partie, les cinq forces de la LAF se sont affrontés, mettons, dans les petits combats de boxe. Okay. Et il y a eu, lors du deuxième match, j'ai trouvé d'être présent à Saint-Félicien, puis il y avait 10 joueurs d'un côté, 10 pour le Saint-Félicien et 9 pour les Marquis à cause des suspensions. Puis on a même dit, ça va même aller plus loin, il semblerait qu'il y a des joueurs qui auraient prononcé des mots que nous, la Ligue, on n'accepte pas, comme Kawish puis tout, là, fait que ça va aller plus loin. Ça s'est rendu au comité de discipline, il y a des joueurs qui vont passer au comité de discipline cette semaine, puis... Il y avait eu des lettres, des avertissements qu'il n'y avait aucun geste disgracieux et aucune parole blessante ou odieuse envers les joueurs de hockey. Puis ça s'est produit à Jonquière. Mon vice-président était là, a été témoin. Donc, il va y avoir des suivis sévères sur ça. Ah, on est-tu rendu dans la même situation que les Marquis? Ben, c'est rendu. Ça semble à ça, là. Mais, tu sais... Je veux pas blâmer, mais faut pas, ne pas exagérer non plus. Là. C'est pas d'hier là, que tu sais, ça s'excuse en rien tout ce qui s'est passé. Là. Mais je te parle en général, là, ce qui s'est passé avec les Marquis, c'est pas ça. On a deux semaines. On a fait la manchette pendant 5 jours. Là. C'est pas d'hier. Là. C'est dégueulasse le geste, ça, on est en convient tout, mais c'est pas d'hier. Là. Puisque tu me dis, il y a eu un incident aussi. Là. Ah, il y a un incident là. Il y a eu un incident dans Mauricie aussi concernant des joueurs autochtones dans hockey mineur aussi. Il faut que ça arrête. C'est des joueurs de hockey, tu joues au hockey, tu fermes ta boîte et tu t'amuses. Si tu veux pas t'amuser, tu es prêt à faire du racisme, reste chez vous. Ouais. Nous autres, on a envoyé une lettre sévère, on n'en voulait pas, pour qu'on appuyait la fédération dans ce sens-là. Puis ça s'est produit, mon vice-président était là, était témoin de ça. J'ai eu des gestes où qu'on va peut-être, tu sais, quand tu mets le pouce en dessous de la gorge, là. Ben là, tu sais, nous autres, on l'accepte pas. Puis il va y avoir des suivis, il y a des joueurs qui vont passer au comité de discipline. Et en subiront les conséquences. OK. Donc, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On va y aller avec les autres séries dans la Ligue Junior Régionale. C'est les Sabres de Roberval qui tirent l'arrière aussi. Eux aussi ont de la misère. Oui, 2-1. On a eu, alors, présentement, on a une belle série. Ça vous dit, OK, Roberval, on l'a emporté à première partie 6-4. Le lendemain, on est allé à Roberval où les Sabres ont causé une certaine surprise en battant Jonquière 6 à 4. Ouais. Puis là, il y a eu dimanche soir où que la partie était à 5 contre 5. Disons qu'ils restent à son 5 contre 5. Les Sabres rivalisent très bien. Mais dimanche, ils ont parti avec coupe de pénalité. Ils ont pogné les 5 contre 3 en partant. Donc, les Marquiennes ont profité pour prendre un avance de 4-0. Puis la partie était déjà hors cours. Mais si Roberval reste sur la glace, on devrait avoir encore une bonne fin de série de ce côté-là. OK. Donc, on va suivre ça de très près également. Il y a aussi du côté des éperviers normands. Et ça, c'est la grosse série. Hein? Oui, c'était la grosse série. Ouais. Les éperviers sont en train de mettre un terme très rapidement à cette série. En espérant que demain soir, le quatrième match est à Chicoutimi. Présentement, 3-0 pour Normandin. Puis je pense pas que Normandin a beaucoup de difficultés présentement. Je ne sais pas ce qui se passe avec Chicoutimi. Hein. On dirait que c'est du pareil au même à tous les ans. Bonne saison, arrive dans les séries. Je ne sais pas, ils ne donnent pas de rendement, ils ne sont pas prêts, je ne sais pas. C'est un mystère, Chicoutimi. Ouais. C'est assez petit. Tandis que les éperviers, ben, en saison régulière, c'est vraiment. Écoute, il y a une vague à Normandin, hein? Il y a l'enthousiasme pour le hockey junior régional durant les séries. Normandin, c'est la place d'une série. C'est vrai, on peut pas dire un mot, là. Il y a du monde, c'est en l'ambiance, c'est là, puis Ouais, c'est effectivement. vraiment plaisant d'aller jouer là. OK. Autre chose à mentionner, peut-être? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut parler? Ben, peut-être que dire que on a eu des récipiendaires qui sont déjà connus Oui, c'est vrai, oui. par la Ligue. Ben, les Vas-y. récipiendaires ont été nommés par les équipes et non OK. par la Ligue. Et comme le gentilhomme, c'était Olivier Lafrenière des Aiglons. Ça, je vais y aller avec le junior. Ouais. Lafrenière des Aiglons juniors. Tu as eu la recrue de l'année qui est le petit Tremblay de Normandin. Charles Tremblay. Après ça, Charles Tremblay de Normandin. Après ça, les meilleurs gardiens de but. Le meilleur duo de gardiens de but, c'est les gardiens de but de Normandin également. OK. Après ça, les meilleurs compteurs, ben, je ne donnerai pas compteur de Bon, ça, on le sait, but. là. Après ça, tu as l'équipe d'étoiles qui est composée de Jean-Simon Girard à l'avant des marquées, de David de Bélanger de Chicoutimi et du petit Gagnon, David Gagnon de Normandin, qui sont les joueurs d'avant. La défenseur, c'est Vincent Villeneuve, qui est chez l'équipe d'Étoiles et qui a été nommé le meilleur défenseur de la Ligue, avec Yannick Tremblay de Normandin. C'est pas mal ça dans ce côté-là. Puis après ça, du côté midget, je te donnerai peut-être la semaine prochaine, genre, vérifier mes papiers pour pas me tromper, là. OK. Ça fait beaucoup de noms. Ouais, Mais c'est effectivement. ça, nous autres, de la Ligue, on a donné aucun trophée. Le seul trophée qu'on a donné, c'est à l'organisation de l'année junior midget. Puis c'est tout, à part ça, c'est tous les trophées sont donnés par les équipes qui font les choix de chaque joueur, puis les OK. entraîneurs, puis tout. Okay. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Parfait, c'est Notre parfait, ami Danny. Pierre Gay de la Ligue JMS.